par Mons et par Vaux. Au cours de la dernière semaine de juin, Faustine s'inscrit à l'agence Manpower d'Orsay-Ville. Grâce à sa voiture, toutes les zones industrielles alentour sont désormais à sa portée. Vélizy, Montagny, Saclay. Celle que vise Faustine, c'est les Ulysses, où travaille Maxime à 15 minutes de chez elle quand il n'y a pas de circulation. Ironie du sort, c'est à la Tour Montparnasse qu'on l'envoie d'abord. Elle aurait pu refuser, bien sûr. Mais le souvenir de son passage dans la tour en 1979 ou 80 est encore si présent qu'elle accepte. Malgré les 2 heures de transport public, car elle a trop peur de risquer sa voiture dans la jungle du périphérique et les présélections. Les 3 premiers jours, elle accomplit les trajets jusqu'à la gare RER en vélo. Le 3e soir, à la sortie du train, plus de vélo. L'antivol a été cisaillé. Abandonnée par terre, seule et inutile. Faustine le ramasse et remonte à pied. Elle termine ses 3 semaines de mission car elle tient à profiter jusqu'au bout de l'extraordinaire vue sur Paris depuis son 45e étage. Pendant tout ce temps, elle prend sa température chaque matin, s'émerveillant de voir son corps évoluer au 10e de degré près. Fin juin, début juillet, Faustine reçoit un appel d'Isabelle, secrétaire de l'Association des myopathes de France. Pourquoi ne profiterait-elle pas du fait qu'elle travaille à Paris pour faire un saut dans les locaux et donner un coup de main un soir? Bonne idée. Sauf que Faustine est souvent prise le soir quand Maxime joue quelque part ou qu'ils ont des invités. Elle propose mieux. Vu qu'elle termine sa mission parisienne en milieu de semaine, elle pourrait rester une journée entière. Son offre est acceptée avec reconnaissance. Aujourd'hui, Faustine se présente à l'adresse indiquée. Malheureusement, Isabelle est absente. Elle a eu un imprévu. Faustine se retrouve seule au milieu d'inconnus qui n'ont vraiment pas le temps de s'occuper d'elle ni de lui montrer quoi faire. Pleine de bonne volonté, elle insiste. On finit par lui confier un immense tas de documents à trier dans une arrière-salle sinistre. Elle se rend compte que son deuil est beaucoup trop récent et qu'elle n'est pas assez solide pour replonger si vite dans ses souvenirs traumatisants. À la pause, elle fonce au bistrot d'en face et descend, vite fait, 2 ou 3 doubles cognacs. Évidemment, après ça, elle n'est plus bonne à grand-chose. Elle rentre à Saint-Rémy, déçue, dégoûtée d'elle-même, frustrée et triste. Quand Isabelle lui téléphone quelques jours plus tard, elle ne lui fait aucun reproche. En fait, elle n'a même pas su que Faustine était passée. Par contre, elle revient sur les documents que Faustine lui avait tapés et préparés avant de s'envoler pour les USA le mois précédent. Elle pinaille sur les formules, les faiblesses de syntaxe, reprenant point à point la 20aine de pages que Faustine s'était donné un mal fou à rédiger seule concernant le clapping et les différents gestes et appareils permettant de soulager les enfants. Elle se permet même un méprisant « Mais enfin, tout le monde sait cela !» à propos d'une formule de vulgarisation. Faustine, n'ayant pas eu, comme Isabelle, la chance d'accéder à une instruction supérieure, se sent dévalorisée et humiliée par cette réaction. « Si c'est ça, le bénévolat, franchement, ça ne me fait pas envie du tout, » pense-t-elle. Le texte sera corrigé et envoyé, mais Faustine ne reprendra plus contact. Pas plus qu'elle ne participera à la mise en place du premier téléthon sur sol français. Quand elle entendra dire plus tard qu'Isabelle et son mari ont finalement quitté l'association pour divergence d'opinion, cela ne l'étonnera qu'à moitié. Pendant le mois d'août, Maxime s'occupe de ses filles, fait la navette entre Cagnes et Saint-Junien, où réside sa mère. Faustine, restée seule à Paris, travaille sans relâche, tout en continuant à prendre sa température chaque matin. Quand elle se sent trop seule, elle rend visite à son amie Sylvie à Bois d'Arcy. Antoine est dans sa phase « moi veux pas ». Mais il est si beau et si drôle qu'on lui pardonne volontiers. Côté boulot, l'agence Manpower a confié plusieurs missions aux Ulysses à Faustine. Du 4 au 29, elle est en poste chez Hammersham France, un grossiste en produits pharmaceutiques. Faustine s'occupe du standard téléphonique et des photocopies. Rien d'affriolant. Mais les collègues sont sympas. Chaque lundi matin, histoire de bien commencer la semaine, l'intérimaire dépose sur le comptoir une immense corbeille de croissants. Elle s'amuse de voir les yeux écarquillés des commerciaux qui n'ont jamais été aussi gâtés de leur vie. Et par une petite réceptionniste en plus. Laquelle réceptionniste fête ses trousseaux le 15 août 1986? Maxime est à Paris pour l'occasion, mais aussi parce qu'il joue au Sofitel avec l'ancien batteur de Claude Nougaro le 15 au soir. Cette journée restera gravée dans les annales. Au réveil, Faustine trouve sur la table du salon un train de pneus neige rechappé entouré d'un beau ruban rouge. Un plus petit paquet dévoile un autoradio d'occasion, toujours pour sa voiture. Dans la matinée, Interflora livre un joli petit bouquet de la part de Laurie. Sans être vraiment déçue, Faustine trouve assez inhabituel de recevoir des pneus pour un anniversaire. On ne la lui avait encore jamais faite, celle-là. Maxime se rattrape le soir même au Sofitel, en jouant Happy Birthday rien que pour elle, puis en venant l'embrasser sous les applaudissements de toute la salle. Hélas, dès le lendemain, il repart vers d'autres cieux. Lorsqu'il revient, début septembre, c'est en compagnie de Daphné, qui souhaite s'inscrire dans une école d'art graphique. Pendant ses 2 mois de vacances sur la côte, elle a exercé plusieurs petits boulots, histoire de se faire un pécule, afin d'être plus à l'aise pendant son année d'étudiante. De son côté, Maxime encourage sa femme à déposer enfin sa requête de nationalité. Entre 2 missions temporaires, Faustine remplit les nombreuses formalités administratives à Rambouillet. Le délai d'attente varie entre 3 et 5 ans, au cours desquels on leur promet ponctuellement la visite d'un employé communal venant vérifier et attester les évidences de vie commune. Il est censé visiter la maison, salle de bain comprise, en quête de signes de cohabitation. Un rasoir, des brosses à dents, un tube de dentifrice resté ouvert. Reproche récurrent fait à ces messieurs. Est-ce qu'il y racontait les poils de cul dans la cuvette des chiottes, rigole Maxime. Et pourquoi pas une inspection en règle des draps, surenchérit Faustine. À force de retourner plusieurs fois à la préfecture de Rambouillet, la jeune femme a remarqué une épicerie arménienne dans une ruelle adjacente. C'est une boutique extraordinaire. Y entrer vous plonge aussitôt dans un bain oriental de parfums, de couleurs, de goûts, d'odeurs exotiques. Le sol est recouvert d'énormes tonneaux emplis d'olives, de riz, de boulgour, de pois chiches. On se fraye avec peine un chemin jusqu'au comptoir qui déborde de tarama, de dolmas, de kefta, d'houmous, de poivrons farcis et de tzatziki. Yaourt au concombre dont Maxime raffole. Faustine adore le halva, cette friandise composée de pâte de sésame nature ou à la pistache. En clair, Faustine dévalise systématiquement la boutique au grand dam de leur budget. En septembre, Faustine se voit confier plusieurs missions intéressantes aux Ulysse. Elle s'y amuse parfois beaucoup. Son passage chez Dupont de Nemours, par exemple, où elle s'occupe de la gestion des stocks sur un ordinateur au programme interactif ultra performant, lui laissera un excellent souvenir. Malheureusement, l'année 86, en France et dans le monde, sera marquée par une recrudescence de violence. Le mois de septembre est particulièrement gratiné, comme dirait papa. Le 11, un missile sol-sol iranien sur Bagdad fait 21 morts et 81 blessés. Le 15 septembre, 4 Palestiniens détournent un Boeing 747 de la Paname, tuant un Américain. La riposte fera au total 20 morts et plus de 100 blessés. Le 16 septembre, 177 mineurs sont asphyxiés dans l'incendie d'une mine d'or en Afrique du Sud. Et le 17, une bombe explose rue de Rennes devant le magasin Tati. Paris Flash en fait ses gros titres. La France entière est choquée. Le 2 octobre, premier anniversaire de la mort de Julien, Faustine se coupe du monde extérieur et reste au lit toute la journée en signe de deuil. Les semaines suivantes, elle sera distraite de son chagrin par Maxime. Week-end à Houffleur, Gris-sur-Loing ou encore au Mont-Saint-Michel, quand il n'invite pas du monde à la maison, au motif de répétition. Conséquemment, Faustine n'a plus le temps de penser ni de s'enfoncer dans sa déprime, pour ne pas dire dépression. Par contre, elle a du mal à tenir sa promesse de réduire sa consommation d'alcool, tant il est difficile d'éviter le déglaçage au vin dans la cuisine française. Pendant ce mois d'octobre, Faustine se rend à plusieurs reprises à Necker pour divers examens complémentaires. Les résultats sont positifs sur toute la ligne. La jeune femme attend le mois de novembre avec impatience. Au vu des derniers relevés, elle sait que son ovulation aura lieu au début du mois. Pendant la période précédant l'insémination, elle refuse toutes les propositions d'emploi. Le jour J arrive enfin. Faustine suit le protocole, téléphone au centre d'imagerie et s'y rend à 8h du matin avec 1,5 litre d'eau dans le bide. Quelle torture! La vessie pleine à exploser, conduire, attendre son tour, passer l'échographie avant de pouvoir enfin se soulager. L'échographie étant positive, Faustine prend le RER jusqu'à Paris, puis le métro jusqu'à l'hôpital Necker. Ce jour-là, hélas, il est impossible à Maxime de prendre congé, même pour venir la chercher. Claire, la réceptionniste, se montre très heureuse de revoir la jeune femme. Le courant passe immédiatement entre elles. En attendant que la cagnole porteuse d'espoir leur soit montée jusque sous les toits, elle bavarde à qui mieux mieux. Faustine parle de Maxime et de jazz, ce qui fait tilt chez Claire qui s'informe aussitôt du prochain concert, car elle aussi est fan de cette musique. Elles viennent juste de convenir d'une rencontre quand on appelle Faustine. L'heure est grave, malgré l'esprit blagueur des intervenantes. Elle prie silencieusement. « Oh mon Dieu, faites que ça prenne. S'il te plaît, Julien, aide-moi. » Pendant toute la durée de la procédure. Elle aimerait bien faire le poirier après, histoire de garantir le coup. Mais on lui affirme en riant que c'est inutile. Néanmoins, Faustine marche sur des œufs, serre les fesses sur le chemin du retour. En 1986, la stimulation ovarienne à l'aide d'hormones, puis l'administration de progestérone pour faciliter l'implantation, ne sont pas encore à l'ordre du jour. Il est peu probable que ça fonctionne du premier coup, mais cela, on ne le dit pas. Faustine en fera la triste expérience, 10 jours plus tard, quand ses règles se manifesteront. C'est un crève-cœur, bien sûr, mais elle est trop obstinée pour se laisser décourager si vite. Elle veut un bébé et elle l'aura.